Regardez mes Karma. Vas-y, Karma. The Melvin. J'ai réécouté. Ah bon? Je fais pas de guitare. Un peu de latence. Il y a toujours de la latence, tu sais. C'est chiant, quoi. Bah, des fois, quand tu tapes, ça se décale. Millisecondes. pas n'importe quoi. We'll be right back.